Je ne veux chanter que pour la postérité, sans me branler comme un chanteur de métier. Être poète, vagabond, romantique, avoir du cœur, oublier l'esthétique. Car ils sont vilains, ils sont pas beaux vos artistes. Font pas rêver, ils ont juste un bon dentiste. Ils savent sourire et se vendre même les pires. Et nous font croire que le bel art est ringard, enterré par un vieillard populaire. Qui me fait gerber, oui, qui me pète les ovaires. Oui, c'est ma partie sensible féminine qui crie, qui pleure et qui s'achète des chaussures. Moi, je peux vous dire que cette chanson n'est pas fine et que ça m'emmerdait d'y passer trop de temps. C'est mal écrit et ça ne rime même plus. Sans intérêt, mais je ne suis pas le seul dans cette branche. Je voulais savoir quelle honte ça faisait de chanter sur un air aussi mauvais. C'est pas grand chose finalement, je comprends que pour l'argent on se passe d'être intéressant. Voilà, c'est fait, je l'écris ma chanson, toute neuve, toute belle, enfin surtout toute neuve. J'en suis pas fier et j'ai un doute sur le ton. Mais les paroles, elles sont en béton. Tout ça pour dire éteignez vos radios qui font outrage à un silence bien plus beau. Celui des songes éthérés d'un poète qui flotte léger parfum par-dessus nos têtes. Et ne chantez que pour la postérité, sans vous branler comme des chanteurs de métier. Soyez poète, vagabond, romantique, ayez du cœur, oubliez l'esthétique.